Je vous avais proposé de lire le chapitre 5 de l'Évangile selon Luc. L'avez-vous fait ? Peut-être n'en avez-vous pas eu le temps. Alors qu'importe, nous allons en lire quelques versets ensemble. Luc 5, 4 à 11. Le Seigneur vient de monter dans la barque de Pierre, et de la barque, il a enseigné la foule assemblée sur le rivage. Cela a dû être une magnifique réunion d'évangélisation. Mais il tient à réserver à Pierre un enseignement particulier. Lisons donc ensemble Luc 5, 4 à 11. Lorsque Jésus eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Et, ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Pierre avait mis sa barque à la disposition du Seigneur, parce qu'il en avait besoin pour enseigner la foule. Peut-être que Pierre n'avait jamais pensé que sa barque puisse servir d'estrade au Seigneur. Comme vous non plus, vous n'avez jamais pensé que votre activité professionnelle pouvait devenir un outil dans l'œuvre de Dieu. Et pourtant, dans combien de cas les compétences professionnelles ont été la clé d'un témoignage efficace au bureau, à l'atelier, au magasin, à l'école, comme aussi le moyen d'entrer dans un pays dont la porte serait demeurée close pour un missionnaire. Pierre avait cédé sa barque au Seigneur. Au moment où lui-même en aurait eu le plus besoin, n'avait-il pas travaillé toute la nuit sans rien prendre ? Alors, ne fallait-il pas rattraper le temps perdu et, au mépris des fatigues de cette nuit blanche, repartir à la pêche ? Pierre ne devait-il pas nourrir et faire vivre sa famille ? Je dis bien « famille » car Pierre était marié. L'Évangile ne dit-il pas qu'il avait une belle-mère ? On ne sait pas s'il avait des enfants, mais trois personnes au moins dépendaient de son filet, de sa barque et de son habileté professionnelle. Cependant, Pierre n'a considéré que les intérêts du Seigneur. Et quand on donne tout au Seigneur, il sait nous le rendre. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes les autres choses vous seront données par-dessus. Évangile selon Matthieu, chapitre 6, verset 33. Ce qui nous frappe dans ce récit de Luc, chapitre 5, c'est que l'acte de renoncement de Pierre n'a pas passé inaperçu devant Jésus. Après son discours public, il a en quelque sorte rendu à Pierre le temps précieux qu'il lui avait consacré et même infiniment au-delà. En quelques instants, Pierre a réalisé la plus abondante pêche de sa carrière. Et c'est toujours ainsi. Quand on donne au Seigneur ce qu'il demande et ce qui lui revient, il nous le rend, tout en nous donnant infiniment plus. Chers auditeurs, remettez au Seigneur ce qu'il vous réclame, votre temps, votre profession, votre jeunesse, vos plans d'avenir, vos dons, et il vous le rendra au-delà de toute attente, car lorsque le Seigneur agit, il répond toujours au-delà de ce que nous avons prévu dans nos raisonnements limités. L'apôtre Paul parle de Jésus-Christ comme de « Celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. » Éphésiens 3, 20. Mais revenons à notre récit de l'Évangile selon Luc au chapitre 5. Quand Jésus avait ordonné à Pierre de jeter son filet, c'est tout juste si Pierre ne lui a pas répondu « ce n'est pas la peine ». Il lui a dit « Nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre ». Ensuite, Pierre s'est ravisé et il a ajouté « mais sur ta parole, je jetterai le filet ». Jamais on ne regrette d'obéir à la parole du Seigneur. Jamais on ne regrette d'obéir aux ordres de cette bonne vieille Bible, dont les critères d'application sont toujours valables même à la fin du XXe siècle. C'est du reste seulement ainsi que des miracles divins se produisent encore aujourd'hui. Je ne parle pas ici d'expériences spectaculaires, de pêches miraculeuses, de montagnes qui se jettent dans la mer ou de paralysés qui se lèvent de leurs chaises roulantes en chantant des cantiques. Je parle de miracles encore plus grands que le Seigneur réalise aujourd'hui quand des âmes précieuses se repentent en obéissant au message de la parole de Dieu. J'ai eu le privilège de voir souvent de tels miracles au cours de mon ministère et je sais qu'il s'en est produit aussi à diverses reprises parmi les auditeurs de l'émission Parole Certaine. Or, c'est en pensant particulièrement à vous, chers amis, qui êtes régénérés et sauvés par la parole divine, que je relève ce qui est arrivé à Pierre. Quand il a vu que ses efforts et ceux de son frère André ne suffisaient pas pour tirer le filet tant il était rempli de poissons, il a fait signe à ses associés Jacques et Jean pour solliciter leur aide. Alors, à quatre, ils y sont tout juste parvenus, remplissant leurs deux barques de tant de poissons qu'elles s'enfonçaient. Ah, cette pêche miraculeuse! Quelle aubaine pour l'entreprise familiale, comme pour ces hommes rudes qui avaient l'habitude de peiner pour leur pain quotidien et qui subitement se trouvent comblés. Cependant, Pierre ne pense pas à cela. La puissance du Seigneur l'a terrassé. Jésus ne lui apparaît plus seulement comme un docteur enseignant les foules, mais comme le Dieu Tout-Puissant, le Maître absolu de l'univers, le Seigneur trois fois saint, devant qui les hommes ne sont que des créatures impures et souillées. Et du même coup, Pierre a découvert ce qu'il est, lui, profondément pécheur et coupable devant le Dieu juste et par conséquent tout à fait indigne du miracle dont il a été l'objet. Aussi s'est-il précipité à genoux pour dire à Jésus « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Sous l'emprise d'une profonde conviction de son péché, il ne supportait plus la présence de son Sauveur divin à ses côtés. Pour lui, il fallait que le Seigneur se retire. Il était trop grand, trop digne, trop pur pour rester un instant de plus dans la barque d'un homme si gravement coupable. Réflexe tout à l'honneur de Pierre est nécessaire à chacun de nous, chers amis à l'écoute. Vous êtes convertis, vous êtes nés de nouveau, vous êtes donc enfants de Dieu parce que vous avez accepté Christ comme votre Sauveur. Mais avez-vous passé par cette véritable conviction de péché et ce sentiment de culpabilité personnelle devant Dieu? Si vous vous soustrayez à cette expérience, vous ne comprendrez jamais la portée de la grâce de Dieu à votre égard. Il faut se sentir coupable et incapable pour découvrir l'étendue de l'amour divin pour nous. Même le grand apôtre Paul s'est écrié en une occasion précise « Misérable que je suis !» pour ensuite s'abandonner par la foi dans la miséricorde divine et déclarer « Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. » Épître aux Romains, chapitre 7, versets 24 à 25. Mais si Pierre a été épouvanté, Jésus attendait précisément ce moment crucial de sa vie pour lui confirmer son appel à son service. Dès que nous devenons conscients de nos incapacités, dès que nous découvrons notre culpabilité, le Seigneur peut commencer de faire quelque chose avec nous. Pour Simon-Pierre, ce fut le point tournant de sa carrière, puis l'abandon définitif de sa profession de pêcheur en vue d'un service à plein temps pour le Seigneur Jésus. Lisons en Luc 5, le verset 10, la deuxième partie de ce verset. « Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Pour Pierre, ce n'était pas la simple répétition d'un appel précédemment entendu. Cette fois, il savait qu'il n'était rien et que le Seigneur était tout. Cette fois, il donnait tout sans plus rien retenir pour lui. Est-ce étonnant que nous lisions alors au verset 11 au sujet de Pierre et des trois autres pêcheurs de Galilée ? Ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Ils ont ramené les barques Peut-être ont-ils vidé les filets et vendu leur contenu? En tout cas, ils ont tout laissé. Et désormais, ils n'ont plus quitté le Seigneur, puisque dès lors, ils ont été associés à toutes ces entreprises d'amour et de compassion envers les foules de Palestine. Chers amis à l'écoute, voulez-vous, à votre tour, vous jeter sur votre face et dire « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Cette expérience intime, profonde, douloureuse, sera peut-être pour vous le tournant décisif de votre vie chrétienne, que dis-je, de votre vocation pour le Seigneur. Alors, ne vous y soustrayez pas, car la tristesse, selon Dieu, produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 7, verset 10. Il faut parfois passer par une profonde repentance. Il faut parfois crier au Seigneur jusqu'à ce qu'il intervienne dans notre vie et nous humilier profondément à cause de notre nature déchue et rusée. Mais alors, le Seigneur prend nos vies dans sa main et nous remplit de joie, une joie qui procède de l'espérance qui s'attache à son appel. Que le Seigneur vous bénisse, chers auditeurs.